Chicago, 1912. Vous observez l'inexplicable match qui met deux hommes aux prises. Vous assistez à la disparition d'une famille venue des savanes dans la jungle de la ville. Ne vous cassez pas la tête sur les motifs de cette rivalité. Parti pris les méthodes des adversaires et réservez tout votre intérêt au round final. Si c'est vrai ce que nous avons lu dehors, vous tenez une bibliothèque de prêt, alors on voudrait un livre. Quel genre de livre? Un gros. C'est pour vous? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour ce monsieur. Votre nom? Son nom est Schlink, négociant en bois, 6 Mulberry Street. 5 cents par semaine et par volume, choisissez. Non, c'est vous qui allez choisir. Voici un roman policier, ce n'est pas un très bon livre. Voilà qui est déjà mieux, un récit de voyage. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce livre est mauvais? C'est une opinion qui vous est propre. Je voudrais vous acheter cette opinion. 10 dollars, ça pourrait y aller? Mon opinion, je vous en fais cadeau. Vous voulez dire que vous changez d'avis? Que ce livre est bon? Non. Avec cet argent-là, vous pourriez vous payer du linge propre. Pour ce que j'ai à faire ici, envelopper des livres... Mais ça rebute le client! Je vous offre 40 dollars pour votre opinion sur ce livre dont j'ignore le titre, et qui est d'ailleurs sans intérêt. Je peux vous vendre l'opinion de J. Jensen et d'Arthur Rimbaud. Mon opinion à moi sur ce livre n'est pas à vendre. Votre opinion aussi est sans intérêt. Sauf que je suis disposé à l'acheter. 94 degrés Fahrenheit à l'ombre. Le bruit que fait le pont de Milwaukee. Tout ce trafic. Une matinée comme les autres. Pas comme les autres. Car ce matin, j'ouvre les hostilités contre vous et je commence par ébranler votre position sociale. C'est la liberté pour moi. Tenez, voici mon veston. Partagez-vous la dépouille. Superstition, mensonge, vice. Je suis une bête, je suis un nègre, mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre. Général, tu es nègre. Tu as bu une liqueur non taxée de la fabrique de Satan. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Je ne connais pas la métaphysique. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Vous vous trompez. Vous avez instauré la loi du Far West, soit. J'accepte. Vous m'avez écorché. Vous m'avez fait sortir de ma vieille peau par plaisir. Vous m'en donnez une nouvelle, mais ça ne remplace rien du tout. Je vais vous régler votre compte, œil pour œil, dent pour dent. Vous acceptez le combat? Oui, naturellement, sans engagement. Et sans me demander mes raisons? Sans vous demander vos raisons, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi vous avez besoin d'une guerre. D'ailleurs, ce sont sûrement de mauvaises raisons. Il me suffit à moi que de nous deux vous vous preniez pour le meilleur et le plus fort. Je n'ai rien à perdre. Par conséquent, le combat est peut-être une solution. Bon, réfléchissons un peu. Ma maison, mon commerce de bois me mettent, par exemple, en mesure de lâcher les chiens sur vous. L'argent, c'est tout. Bon. Mais désormais, ma maison est à vous. Mon commerce de bois vous appartient. À partir d'aujourd'hui, Mr. Garga, je dépose mon sort entre vos mains. Je ne vous connais pas. À partir d'aujourd'hui, je suis votre créature. Chacun de vos regards me mettra en transe. Le moindre de vos désirs, même si je n'en connais pas la raison, me trouvera disposé à le satisfaire. Vos soucis sont mes soucis, ma puissance sera la vôtre. Je n'aurai le sentiment pour personne, seulement pour vous. Et vous, vous ne serez pas tendre avec moi. J'ai du mal à vous comprendre, Mr. Schlink. Vous pouvez vous déplacer dans 4 directions différentes, n'est-ce pas? alors que les autres hommes ne peuvent se déplacer que dans une seule direction, n'est-ce pas? Mais un homme a de nombreuses possibilités, n'est-ce pas? Je comprends qu'un homme a de nombreuses possibilités. Quelque chose dont il n'est pas facile de parler. On dit que votre fils Georges est impliqué dans une de ces affaires dont on ne voit jamais la fin. Il paraît qu'il a eu une histoire avec un jaune. Un jaune aurait dû partir lié avec lui. On n'a pas le droit de s'en mêler. Je m'appelle Schlink. J'ai été négociant en bois. Maintenant, je regarde voler les mouches. Je n'ai personne à ma charge. Puis-je louer chez vous un petit coin pour dormir? Je paierai la pension. J'ai joué et perdu ma fortune. Souvent, on ignore comment tourneront les choses. Je me trouve seul à un âge où il faut penser à trouver un toit si on ne veut pas que la neige vous tombe sur la tête. Je ne suis pas sans cœur. Et au moins, mon travail aurait alors un sens. Je peux dormir à même le plancher. Et comme place, il me faut à peine la moitié de ma taille. Je suis un homme simple. Ne me demandez pas de grandes phrases. Je n'ai pas la langue bien pendue. Dans ma bouche, il n'y a que les dents. Thank you. Pourquoi ne me touchez-vous jamais? Pourquoi portez-vous toujours sur le dos ce sac plein de suie? J'ai pour vous un costume, comme en portent les autres messieurs. Je dors mal. Je vous aime. Je suis un être indigne. Je ne comprends rien aux vraies jeunes filles. Depuis des années, je sais bien que les hommes de ma race ont une odeur particulière. C'est un homme mauvais. C'est un homme mauvais. Vous ne devriez pas vous déchirer comme ça. Voyez, mon corps est comme sourd. Et ma peau en est devenue comme insensible. La peau des hommes, à l'état naturel, est trop mince pour le monde où nous vivons. Et c'est pourquoi l'homme fait en sorte qu'elle devienne plus épaisse. Il n'y aurait rien à dire à cette méthode si on pouvait arrêter l'épaississement. Un morceau de cuir tanné ne bouge plus, mais une peau, ça pousse. Elle devient de plus en plus épaisse. Est-ce parce que vous ne trouvez pas d'adversaire à votre taille? Dans un premier stade, la table, par exemple, a encore des arêtes. Et par la suite, et c'est ça qui est déplaisant, la table devient un caoutchouc. Et au troisième stade, celui de la peau tout à fait épaissie, il n'y a plus ni table ni caoutchouc. Depuis quand avez-vous ce mal-là? Depuis mon enfance. Sur les jonques qui sillonnent le Yangtze-Kiang. Le Yangtze martyrisait les jonques. Et les jonques nous martyrisaient. Il y avait un homme qui nous aplatissait la figure à coups de pied chaque fois qu'il passait sur le pont au-dessus des rameurs. La nuit, on était trop paresseux pour garer sa figure. Ce qui est curieux, c'est que l'homme n'était jamais trop paresseux, lui. Nous, de notre côté, nous avions un chat, comme souffre-douleur. À force de vouloir lui apprendre à nager, il s'est noyé. Et pourtant, le chat mangeait les rats qui nous passaient sur le corps. Tous les gens, à bord, avaient attrapé la maladie. Quand étiez-vous sur le Yangtze-Kiang? Au petit matin, nous étions couchés sur les roseaux. Et nous sentions le mal gagner en nous. Ces vents d'est. Les bateaux pour Tahiti lèvent l'ancre. Dans mes rêves, je le nomme mon époux infernal. Schlink le chien! Nous ne partageons ni la même table, ni le même lit, et il n'a plus de chambre. Sa petite fiancée fume des cigarettes de Virginie. La petite fiancée, c'est moi. La vie est curieuse. Moi, par exemple, je connaissais un homme qui était un type de classe, mais il aimait une femme. Il avait $2,000 dans sa poche. La famille de la femme tirait le diable par la queue, Mais il les laissait tous mourir de faim sous ses yeux. C'est qu'il lui fallait $2000 pour aimer cette femme. Et que sans cela, il n'aurait rien obtenu d'elle. Oh. La vie est une infamie, mais l'homme n'a pas toute sa responsabilité. Regardez-moi, je suis un pauvre pêcheur. J'aimais les déserts, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Vous vous trompez. Je suis un petit homme. Je n'ai rien à voir avec Mr. Schling de Yokohama. Prenez le marchand de bois, par exemple. Il n'a jamais eu un soupçon de cœur. Mais un jour, une passion s'est emparée de lui, qui a flanqué tout son commerce de bois par terre. Et maintenant, il charrie des sacs de charbon en bas sur le port. Et pourtant, il avait tout le quartier dans la main. Nous l'avons recueilli ici comme un chien de race, à bout de force. Et maintenant, s'il ne lâche pas son os qui vient heureusement de reparaître, c'en est fini de notre patience. Un jour, je serai sa veuve. Sûrement que dans le calendrier, ce jour-là est déjà marqué. Et moi, vêtu de linge neuf, je suivrai son cercueil, marchant à grandes enjambées dans le soleil. Je vous le dis par expérience, toute cette humanité, de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des ongles, succombe à des rêves de papier. Et il n'y a rien qui ressemble tant à du papier que la vie réelle. Les branches des arbres semblent recouvertes d'excréments humains. On dirait que le ciel est à portée de la main. Comme tout ça me laisse indifférente. J'ai froid. Je suis comme une caille engourdie par la gelée. Je ne peux plus rien attendre de moi-même. Si ça peut vous être de quelque secours, je vous aime. J'ai couché dans le lit d'un homme qui est pareil à une bête. Je me suis donnée à lui, bien que rien dans ma chair ne s'éveillât. Je me suis donnée de nombreuses fois, mais mon corps n'a pu se réchauffer. Dans l'intervalle, il fumait des cigares de Virginie. C'est un vrai marin. Entre ces quatre murs tendus de papier peint, à chaque heure, je vous ai aimé. Et cet amour m'exaltait, au point que l'homme prenant mes élans pour de l'amour voulait le réfréner. Je sombrais dans un sommeil noir. Je ne vous dois rien. Et pourtant ma conscience me crie que j'ai souillé mon corps. Ce corps qui vous appartient, même si vous l'avez dédaigné. Venez. La fraîcheur tombe. Thank you. J'ai tout inondé. Quel drôle de putain vous êtes. Oh, donnez-moi l'argent sans vous moquer. Et ne me regardez pas. Si mon visage est mouillé, ce ne sont pas mes larmes. C'est le brouillard. Je ne vous remercie pas, Mr. Schling de Yokohama. Entre nous, c'est une affaire et rien de plus. Nul n'a remercié l'autre.